Bon, alors commençons. Dans l'un de ses premiers cours, Michel Thomas expliquait comment bon nombre de mots français en ible et en able étaient semblables en anglais, à l'exception de leur prononciation, pronunciation. Alors si on part de ces similitudes bien utiles entre les deux langues, le mot français possible devient possible. En anglais, on prononce able. Et attention, on n'insiste pas sur le i comme en français. En français, on dit possible. Mais sur la syllabe qui précède cette terminaison. Ça donne able, possible, possible. C'est comme si on frappait fort sur cette syllabe. Possible. Alors, encore une fois, possible en anglais se dit Possible. oui, possible, en insistant bien sur le pas, possible. Alors maintenant, comme Michel Thomas nous l'a appris, si ce et cet se disent this en anglais, this qui s'écrit THIS, et il faut bien prononcer avec la langue entre les dents, this. Et du fait que situation se dit tout simplement situation, alors comment direz-vous cette situation est horrible? This situation is horrible. This situation is horrible. Écoutez bien ce son able et notez bien que le H anglais ici n'est pas muet, donc c'est bien ha avec un H aspiré, horrible. Alors, on a aussi appris avec Michel Thomas que partir se dit to leave, LEAVE. Il faut bien prolonger le son to leave à ne pas confondre avec to live, avec un I court qui s'écrit LIVE, qui veut dire vivre, habiter. Bien, alors si en anglais maintenant se dit now, NOW, comment dira-t-on je veux partir maintenant? I want to leave now. Oui, I want to leave now. Et vous savez déjà que et se dit and, AND. Alors, comment dira-t-on cette situation est horrible et je veux partir maintenant? This situation is horrible and I want to leave now. C'est ça. This situation is horrible and I want to leave now. Je voudrais maintenant que nous nous entraînions rapidement avec quelques autres transformations du même type. Comment dit-on terrible en anglais? Terrible. Oui, terrible. Et impossible? Impossible. C'est ça, impossible. Toujours avec la syllabe accentuée à l'oral placée avant le son able, impossible. Ça s'écrit donc comme en français, mais vous avez sans doute remarqué qu'en anglais, I suivi de M se prononce im, impossible. Tout simplement parce que le son nasal 1 n'existe pas en anglais. Alors, si le verbe pouvoir se traduit par can, et donc cannot à la forme négative, et que ce soir se dit tonight en un seul mot, TONIGHT, tonight, comment direz-vous je ne peux pas le faire, et littéralement je ne peux pas faire le, donc je ne peux pas le faire ce soir, c'est impossible. I can't do it tonight. It's impossible. I can't do it tonight. It's impossible. Ça, c'est ce qu'on dira le plus souvent à l'oral, c'est-à-dire qu'on utilise des formes contractées. I can't, en américain, et I can't, pour I cannot, it's, pour it is. Ces formes contractées sont très courantes, et c'est celles que vous entendrez donc le plus souvent tout au long de cette méthode. Bien. Et quel sera le mot pour dire invisible en anglais? Invisible. Invisible. Là encore, c'est exactement le même mot qu'en français, seule la prononciation est différente. Et c'est bien in qu'on entend au début de mot. Invisible. Puisqu'on vient de voir que le son un n'existe pas en anglais. Alors, comment dira-t-on vous ne pouvez pas le voir parce que, qui se dit because, BECAUSE. Donc, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est invisible. You can't see it because it's invisible. You can't see it because it's invisible, right? Notez que ces transformations fonctionnent dans les deux sens. Elles vous permettent aussi de reconnaître facilement des mots anglais et de les transformer, transform, à nouveau en français. Tout au long de votre apprentissage du English Vocabulary à la manière de Michel Thomas, je vous demanderai d'être particulièrement attentif à ces mots. Alors voyons, comment direz-vous compréhensible en anglais? Comprehensible. Comprehensible, oui. Toujours avec le H aspiré. Et maintenant, si grâce à se dit thanks to, et qui veut dire littéralement merci à, et le mot type ou genre se dit kind, K-I-N-D, comment direz-vous, grâce à ce type de transformation, l'anglais est plus compréhensible maintenant? Procédons par étapes. D'abord, grâce à ce type de transformation, ça sera... Thanks to this kind of transformation. Thanks to this kind of transformation. L'anglais est plus compréhensible maintenant. Alors ici, je voudrais faire une petite parenthèse. Pour dire l'anglais, on dira tout simplement English. Parce que quand on parle d'une langue, on ne met pas the devant le nom de la langue. You speak French. English is comprehensible, etc. Si vous dites the French, the English, alors vous faites référence aux gens, au peuple. Donc, the French, ce sont les Français. The English, les Anglais, etc. Alors, si le mot more, M-O-R-E, signifie plus, l'anglais est plus compréhensible maintenant, se dira... English is more comprehensible now. OK. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase en entier? Grâce à ce type de transformation, l'anglais est plus compréhensible maintenant. Thanks to this kind of transformation, English is more comprehensible now. Thanks to this kind of transformation, English is more comprehensible now. Alors, comme il arrive souvent en anglais, là où le français n'a qu'un mot, d'origine latine, l'anglais en a deux. L'un d'origine latine, qui est généralement un terme un peu plus savant, comme c'est le cas ici de comprehensible, et l'autre d'origine anglo-saxonne, généralement plus courant, dans ce cas, understandable. Vous connaissez déjà « to understand » qui veut dire « comprendre », à partir duquel on obtient « understandable » qui veut donc dire la même chose que « comprehensible ».